Vous écoutez France Culture. Quatrième temps de notre semaine consacrée à quelques expositions d'histoire qui se tiennent ces temps-ci à Paris ou en région. Lundi, nous avons évoqué l'exposition « Moi Auguste » sur le premier empereur romain qui se tient au Grand Palais à Paris. Mardi, nous avons parlé de l'exposition « L'invention du passé » qui se tient à la fois à Bourg-en-Bresse et à Lyon autour des peintures et des peintres anecdotiques ou d'histoire du 19e siècle. Hier, mercredi, de l'exposition « Paris 1900 au Petit Palais » à Paris. Et aujourd'hui, avec Anaïs Quien, nous avons visité l'exposition « Paris libéré, photographié, exposé » qui vient d'ouvrir au musée Carnavalet à Paris. Une exposition très riche puisque fondée sur une autre exposition montrée à Carnavalet dès novembre 1944, des photographies de cet événement héroïque et historique, la libération de Paris, qui disent quelque chose sur l'état d'esprit d'une France pas encore totalement libérée à cette époque. Dans l'exposition d'aujourd'hui, elle se fonde sur cette exposition vieille de 70 ans, mais l'amende, l'explique, l'éclaire. Nous en parlerons avec Catherine Chambrin, qui est commissaire de l'exposition, mais également avec Christine Lévis-Touzé, qui est également directrice du musée général Leclerc Libération de Paris, musée Jean Moulin qui se tient à Paris et co-commissaire de l'exposition sur la libération de Paris qui ouvre dès demain à l'Hôtel de Ville. Mais tout de suite, comme tous les jeudis, commençons cette émission par un petit tour d'horizon des nouvelles d'histoire de ces 10 derniers jours, puisées sur le net, dans vos journaux ou dans vos revues. Saluons tout d'abord le rédacteur en chef de L'Union, qui, passionné d'histoire, donc L'Union du côté de Reims, tient un blog historique au curieux titre, L'Histoire en rafale, en ces temps de commémoration tous azimuts. Il est le seul, à ma connaissance, on pourrait peut-être amender cette information, à s'être souvenu qu'il y a 70 ans, c'était le 16 juin 1944, l'historien et résistant Marc Bloch, ancien combattant de la Première Guerre mondiale, cofondateur des Annales, avait été fusillé par les Allemands à Lyon, avec 29 autres résistants. C'était donc le 16 juin dernier. La commémoration de la Grande Guerre arrive à grands pas. La semaine prochaine, De la Fabrique vous proposera d'ailleurs, grâce au soutien de la Mission du Centenaire, une série de documentaires inédits sur la mémoire du premier conflit mondial en Nouvelle-Calédonie, en Turquie, au Sénégal, ainsi qu'une émission à Sarajevo sur les lieux de l'attentat qui coûta la vie à l'archiduc François Ferdinand. À propos de Sarajevo et de commémoration, le Courrier des Balkans nous a appris samedi dernier que les dirigeants de Serbie et de Republika Srpska n'iront pas à Sarajevo pour les commémorations du centenaire du début de la Première Guerre mondiale. Cérémonies parallèles auront lieu à Belgrade et Andrijgrad. Le premier ministre serbe Aleksandar Vučić et le ministre des Affaires étrangères Ivica Dačić ont reçu vendredi à Belgrade le président de la Republika Srpska et le cinéaste Emir Kusturica pour arrêter une position commune à l'égard des commémorations prévues à Sarajevo. Aleksandar Vučić a expliqué qu'il ne pouvait pas se rendre à Sarajevo car il ne pouvait pas voir une plaque parlant de l'agresseur fasciste serbe. Le premier ministre de Serbie faisait référence à la plaque récemment apposée sur la Bibliothèque nationale de Sarajevo, dont la rénovation vient de s'achever. Il a confirmé que la Serbie organiserait bien des célébrations du jour de Vidovdan à Belgrade et à Andrijgrad, la ville construite par Emir Kusturica dans l'est de la Bosnie. Il n'y a pas malheureusement que la guerre qui menace, comme dans le cas de la Bosnie et la destruction de la bibliothèque de Sarajevo, la mémoire écrite du monde. La revue Archimag m'a conduit à découvrir un site soutenu entre autres par la British Library qui s'appelle Archive en danger, un site qui offre une carte interactive. Si vous cliquez sur chacun des points de la carte, vous découvrez pourquoi les initiateurs de ce site considèrent que des archives sont en danger, menacées par la négligence de l'homme, par le manque de moyens, par l'obsolescence des formats de conservation, tout simplement par les catastrophes naturelles, nous explique Archimag. Les collections d'archives recensées font l'objet de demandes de subventions déposées auprès de la British Library. Il peut s'agir par exemple de la collecte et de la conservation de documents de l'église évangélique luthérienne de Tanzanie basée à Moshi, de l'archivage d'un studio de photographes camerounais, de la préservation de manuscrits du peuple de Cham au Vietnam ou encore de la conservation des archives de Dongjing dans le Yunnan chinois ou encore de la préservation du patrimoine historique et culturel des Tsiganes bulgares. Ce site s'appelle donc Archives en danger. Vous en trouverez bien entendu le lien sur la chronique lorsqu'elle sera posée sur notre site de la Fabrique de l'Histoire. Vous savez qu'ici même, nous vous présentons justement souvent la numérisation en cours de nombreux fonds d'archives. Le dernier en date que j'ai découvert grâce à un internaute est l'édition électronique par Jean-Daniel Pariset, conservateur général du patrimoine, des procès-verbaux de la Commission des monuments historiques depuis 1848 jusqu'à 1950. Et un autre internaute, membre du groupe Facebook de la Fabrique, m'a conduit sur un site qui numérise des archives non plus de papier mais de pierre. Ça s'appelle Clunipédia, une initiative conjointe de la Fédération européenne des sites clunisiens et d'une société privée, Pastec, qui numérise en 3D les chapiteaux d'abbayes clunisiennes. Sur la page de garde du site, vous pouvez ainsi cette semaine découvrir de près le chapiteau de Moissac, Jésus et la Samaritaine, où l'on voit d'un côté la Samaritaine puisant de l'eau avec son seau attaché à une corde et Jésus accompagné d'un ange qui lui parle, et de l'autre les disciples arrivant de la ville et portant du pain. Ça s'appelle Clunipédia, ça existe depuis un an et cela promet de mieux comprendre l'expansion clunisienne dans l'Europe médiévale. À propos d'archives et de travail de l'historien à partir de celles-ci, n'hésitez pas à aller voir ou à lire sur le site de La Vie des Idées l'entretien que l'historien Philippe Artière a accordé à un autre historien, Yvan Jablonka. Philippe Artière y évoque son parcours, son impression, très jeune, lors d'un service d'objecteur de conscience au Conseil national du SIDA, d'être contemporain d'un événement historique face aux malades et à leur corps décharné, un corps qui allait devenir un objet d'histoire pour Philippe Artière, à partir du moment où il allait travailler sur les prisonniers de la fin du 19e siècle. Et dans cet entretien très riche, Philippe Artière parle de lui, parle de ses doutes d'historien, mais aussi d'autres historiens. À la question posée par Yvan Jablonka, les savants ont souvent traversé des épreuves collectives. De nombreux historiens de l'Antiquité sont des exilés, dit Yvan Jablonka. Au XXe, des hommes comme Marc Bloch ou Ernst Kantorowicz ont combattu comme soldats. Aujourd'hui, nous sommes en temps de paix et un historien ne souffre plus pour ce genre de motif. En revanche, il arrive qu'il traverse des épreuves à titre privé. En tant que chercheur, que fait-on de sa propre souffrance, demande Yvan Jablonka. Et Philippe Artière répond, la recherche historienne a une tendance assez forte à nier le corps du sujet chercheur. Je prendrai un exemple qui m'a frappé, celui d'Alain Corbin, parce que c'est pour moi l'un des historiens contemporains les plus importants. Il y a peu, il a révélé qu'il était métisse, que son père était antillais et sa mère normande. Auparavant, c'était comme si son corps n'existait pas, dit Philippe Artière dans cet entretien à La Vie des Idées. Il s'agit peut-être d'un anachronisme de ma part, dans la mesure où la question des identités est très forte aujourd'hui. On inscrit les historiens dans des cases, je peux donc comprendre cette résistance. Il y a un modèle républicain qui a prévalu dans le cas de Corbin, un entretien très riche donc sur le site de La Vie des Idées, donc un entretien entre Philippe Artière et l'historien Yvan Jablonka. Vous voulez réagir à l'une ou l'autre de ces nouvelles, Christine Lévis-Touzé, bonjour. Bonjour Emmanuel Laurentin. C'est vrai qu'on souffre quand on est historien. Et vous souffrez des fois. On souffre à faire des expositions. Entre autres, mais on souffre dans notre métier parce qu'on est... On a aussi un penchant, nous sommes puristes. Hein. Je prends l'exemple de l'exposition là, avec Dominique Veillon. C'est vrai que l'exposition à l'Hôtel de Ville avec Dominique, mon co-commissaire, elle aussi historienne de la Résistance, on veut suivre une évocation la plus exhaustive possible. Alors on est contraint parce que par la place, parce qu'il faut choisir des documents, c'est toujours un tiraillement entre choisir ceci et pas cela, et puis aussi correspondre au grand public, être pédagogique, etc. Catherine Tambrin, sur... C'est aussi un grand bonheur. Oui, j'ai l'impression que vous ne souffrez pas beaucoup, mais... Si, on souffre, mais voilà, c'est un grand bonheur de partager aussi ce qu'on a vu, ce qu'on a trouvé, ce qu'on a découvert. Et justement, l'idée, nous, au Musée Carnavalet, c'était de faire participer les gens. C'était une exposition où on voulait que les gens, justement, vibrent et que la relation entre l'histoire et la petite histoire, notre histoire, soit évoquée, c'est-à-dire que ça vienne réveiller des choses chez nous. Oui, c'est amusant parce que j'ai visité avec vous l'exposition hier et plusieurs fois vous avez fait un geste que nos auditeurs ne verront pas. Vous mettiez votre main et vous frappiez votre torse au niveau du cœur en disant voilà, il faut qu'une exposition. Il faut que ça vibre. Voilà. Il faut qu'une exposition vibre. Il faut que ça vibre. Voilà. Il faut que ça interroge. Voici un reportage particulièrement émouvant qui nous a été transmis à 16h15 depuis Notre-Dame de Paris. Les Allemands et leur 5e colonne, trahissant une fois de plus leur parole, ont repris le feu au cours de la cérémonie. Au moment où nous avons eu la disposition de la ligne, les premiers coups de feu venaient d'éclater. Je crois que le calme est à peu près rétabli, car étaient massés les tanks et les braves soldats du général Leclerc sur le parvis qui vont, je l'espère, disperser tous ces salopards. Cet attentat, vous entendez d'ailleurs les gens qui applaudissent. Le général de Gaulle fait son entrée, il relève les chaises, il a échappé miraculeusement à cet attentat. Avant d'entrer, deux Alsaciennes en costume national, ayant le ruban noir, frappé de la cocarde bleu-blanc-rouge, lui ont offert un bouquet tricolore. Le général de Gaulle, très calme, malgré les coups de feu, malgré les coups de pétard, avance vers le cœur. Il atteint actuellement le cœur et le sacristain lui présente son fauteuil, c'est-à-dire le fauteuil présidentiel, et je le dis ici, le président de la République. Il se tient droit sous la mitraille, il est vraiment magnifique. Voilà donc une archive évidemment du 26 août 1944 avec De Gaulle et les tirs autour de lui du côté de Notre-Dame. Bonjour Anaïs Quin. Bonjour. Alors tandis qu'à Alençon, à Pont-l'Évêque ou encore à Arles, eh bien, des expositions ont lieu sur la libération des villes et ça va sûrement durer pendant toute l'année puisque pendant toute l'année qui vient, il y aura des libérations successives de toutes ces villes. Et on a donc deux expositions qui ouvrent à Paris autour de la libération de Paris et en particulier celle qui est déjà ouverte puisque l'autre n'ouvrira que demain et dont Christine Lévis-Touzet est la co-commissaire avec Dominique Veillon à l'Hôtel de Ville, donc celle du musée Carnavalet. Vous nous la présentez cette exposition ? Oui, en fait c'est une exposition sur une exposition puisque elle reconstitue dans une certaine mesure, puisque c'est un petit peu plus complexe que ça, on reviendra sur le dispositif muséographique ensemble, Catherine Tambrin, très rapidement. Elle reconstitue une exposition que les Parisiens ont pu voir en novembre 1944, donc immédiatement après août 1944, après la libération de Paris, une exposition organisée par François Boucher, qui dirigeait le musée Carnavalet à l'époque, et qui a voulu montrer immédiatement, alors peut-être plus qu'une exposition, Catherine Tambrin, une collection, ce qu'il avait pu collecter des archives photographiques de cet événement, de cette immédiateté, pour restituer finalement, et pour sauver également les archives de cette libération. Son objectif est double. Un, collecter, récolter, avoir les éléments qui permettront de faire l'histoire demain. Donc, il est déjà dans une optique très, très de collection contemporaine. Très historienne. Très historienne. Il veut récupérer tous les documents qu'il peut trouver photographiques. Il apporte une touche très moderne dans cette vision de l'exposition. D'abord, il s'appuie énormément sur la photographie. Il dit que c'est le médium contemporain. Et dans notre expo, on pouvait voir aussi un film qu'on peut voir aussi dans l'expo actuellement, qui était fait par les cinéastes amateurs de 1944. Il commande un décorateur de théâtre très connu à l'époque, Jean-Denis Malclès, une sorte de scénographie. Donc là aussi, c'est assez original. Il prend un scénographe pour une exposition de 1944. Ça devait être assez rare. Et donc, c'est une sorte de promenade en novembre 1944, puisqu'elle est inaugurée le 11 novembre 1944, dans le Paris des derniers jours d'août 1944. Moi, je dirais que c'est une exposition très politique. Elle est pensée politiquement, elle est pensée même dans les dessins scénographiques. Enfin, je veux dire, on peut juxtaposer maintenant, puisqu'on a à la fois, on a gardé toutes les archives de cette exposition, c'est quelque chose d'absolument formidable. Ça va des images de la préparation de l'exposition, mais aux dessins de scénographie, aux liens entre les différents photographes. Et donc, on peut superposer le dessin de scénographie avec les photos qui ont été réalisées et qui montrent la scénographie telle qu'elle était. Et on voit très bien que c'est pensé, c'est pas du tout improvisé, alors que cette organisation dure quelques semaines, c'est très très rapide. Et d'ailleurs, vous montrez, excusez-moi Emmanuel, vous montrez l'exposition originale, celle que les visiteurs ont pu visiter en novembre 1944, et vous montrez aussi ces images qui n'ont pas été utilisées. Donc finalement, les images que Boucher a choisi de nous montrer à l'époque, et celles que finalement il a pas caché, pas dissimulé, mais en tout cas qu'il a jugé peut-être moins importante ou moins pertinente à l'époque. Oui, c'est un choix délibéré, pensé, organisé. Et ce qui était intéressant, c'était justement de défaire ce fil et de revoir comment nous, maintenant, on raconte l'histoire. Oui, de déconstruire cette histoire. Christine Lévis-Touzet, vous avez suivi cette aventure aussi du musée des Carnavalets, tout en concevant avec Dominique Veillon l'exposition qui va ouvrir à l'Hôtel de Ville. Là, on a un matériau qui est quasiment un matériau historiographique, c'est-à-dire qu'on a muséographique, historiographique, c'est-à-dire qu'on a à la fois une exposition telle qu'elle est présentée en 1944, politique, nous dit Catherine Tambrin, mais également la possibilité de réfléchir sur les choix, les recadrages, les photos qui ont été montrées, etc. C'est exact. J'ajouterais que François Boucher, le directeur du musée de Carnavalet à l'époque, est partie prenante à la fois professionnellement, comme l'a dit Catherine, mais aussi parce que il est impliqué dans la résistance et qu'il y avait une volonté politique soulignée par Catherine qui était immédiatement montrer les événements. On était dans le temps de l'histoire, presque du temps présent, immédiat. Une volonté très forte et du reste qui aussi montait dans l'exposition, il y a eu d'autres expositions. sur les forces françaises de l'intérieur et l'armée nouvelle, des reportages. Là, on monte un reportage de l'INA, justement, sur le PC de Roll Tanguy à Denfert-Rochereau, et puis plus tard, sur l'outre-mer français, dans la guerre 39-45. Donc, il y a eu cette volonté immédiate de montrer... De documenter, et de documenter par les images, et le cinéma amateur de la résistance, de ceux de la résistance, pour montrer ce qu'a été l'histoire. C'est néanmoins une documentation un peu particulière, puisque vous qui travaillez sur la photographie, son histoire, les choix qui sont faits par les photographes ou par les agences de photographie, Catherine Tambrin, vous montrez bien que la façon dont on montre le Paris, par exemple, de l'occupation est une façon un peu biaisée dans cette exposition de 1944, puisque les sources ne sont pas vraiment bien attribuées. Les scènes que l'on voit sur ces photographies sont réattribuées à d'autres moments de la guerre, alors qu'on sait très bien de quand elle date. Enfin, en gros, on fait un travail, non pas de manipulation d'images, mais en tout cas de sources qui sont un peu abandonnées, oubliées au profit d'un discours. Oui, le choix des photographies n'est pas un choix neutre. Le choix des points de vue de ce que l'on montre, ce n'est pas neutre. Et ce qui est intéressant dans une expo comme ça, c'est qu'effectivement, on va analyser vraiment, on va déconstruire ce qui est raconté. Alors, c'est particulier puisque les photographes qui vont photographier le plus à la Libération sont aussi souvent parfois des photographes qui ont collaboré. Donc, comment on fait pour raconter cette histoire ? C'est-à-dire qu'il faut expliquer une simple chose, c'est avoir de la pellicule au moment de la Libération, ça veut dire qu'on en avait avant. Voilà. Parce que, que je sache, les Américains et les Anglais n'ont pas parachuté de pellicule au-dessus du territoire français. Beaucoup de photographes quand même travaillent. Hein. L'essentiel des photographes travaillent. C'est-à-dire que on ne sait pas que la guerre va s'arrêter. Nous, on le sait maintenant. Mmh. Mais je veux dire, quand les Allemands rentrent, on ne sait pas forcément que ça va s'arrêter. Donc, il faut bien manger, il faut bien faire vivre sa famille. Donc, tous les photographes quasiment vont s'inscrire, vont travailler pour Vichy, vont travailler pour d'autres services, sauf évidemment les photographes juifs qui, eux, ne pourront plus travailler. Ce qui est important à souligner, c'est que dans ces images, nous, on a voulu vraiment montrer à la fois des images de la Libération, mais des images de l'occupation, voir comment, de quoi on se libère. On se libère aussi finalement d'images, des images qu'on a eues et qu'on a subies, qui sont des images de propagande et qui sont des images qui viennent bien avant. Donc, c'est une contre-proposition finalement qui est faite quand on fait nos expositions sur la Libération. Et puis on a le droit de faire des photographies de rue, ce qui était très contrôlé quand même pendant l'occupation. Tout à coup, on a le droit de photographier ce qu'on veut. Je serais plus ambiguë que ça, parce que justement, non. Et il y a une volonté, comme on a subi cette espèce de pression sur on ne peut pas photographier, etc. Il y en a comme Henri Mambré, qui sont des photographes, qui vont essayer de mettre la main mise sur les photographes et de leur dire, vous faites ça, vous faites ci, vous faites ça. Enfin, je veux dire, au contraire, une mauvaise habitude qui commence à être prise et qu'on voudrait remettre dans le bon sens. Mais bon, c'est quand même une mauvaise habitude. Alors, en visitant cette exposition à Carnaval, vous n'étiez pas seule, Anaïs Quin ? Non, c'était une visite avec beaucoup de personnalités qui avaient des choses à dire et à ressentir, d'ailleurs, en voyant cette exposition. Et j'ai notamment rencontré Pierre Dort, qui est le fils du photographe Jules Dort, qui est un des photographes dont vous montrez les photos, dont les photos étaient dans l'exposition de 1944, et qui m'a raconté comment son père photographie la Libération. Là, nous arrivons dans cette vitrine avec le livre « La délivrance de Paris », photographie de Jules Dort sur un texte de Bernard Horry, un auteur de l'époque. Ce livre a été fait à l'initiative de mon père, qui en 1944, à la Libération, a eu l'idée vraiment folle de monter sur sa bicyclette en partant du Perreux-sur-Marne où nous habitions pour aller rejoindre la délivrance de Paris. Il a donc essayé d'avoir arrêté à Vincennes. Il a fait quelques photos qui sont uniques d'ailleurs sur le château de Vincennes ébréché. Et ensuite, il est rentré dans Paris. Et dans trois jours, 24, 25 et 26 août, il a donc fait ses photos sur de reportages. Tout ceci à bicyclette, en rentrant tous les soirs, froidement, au Perreux-sur-Marne. Il y a une photo de votre père en particulier qui figurait dans cette exposition de novembre 44 qui vous touche ou qui vous interpelle particulièrement ? Les photos dans lesquelles il y a de l'humain, on vient de voir, si vous voulez, on peut aller... Oui. Donc cette photo qui a figuré dans l'exposition, au rond-point des Champs-Élysées, on voit donc ce prêtre qui essaye d'apporter un secours à un grand blessé secouru par la Croix-Rouge. Qui se trouve sur une civière. Il essaye de porter secours à un libérateur de Paris, a priori. Voilà. Il n'est pas en uniforme. je sais par mon père, c'est que cet homme est décédé très peu de temps après. Le blessé qu'on voit sur cette photo. Oui, oui. Pierre Dort, donc, enregistré par Anaïs Quien, c'est le fils du photographe Jules Dort qui a participé à cette exposition de novembre 1944 à Carnavalet, exposition qui donne lieu à une nouvelle exposition 70 ans plus tard, dont vous êtes la commissaire Catherine Tambrin. Ce discours des enfants, puisque les survivants ne sont plus là, ceux qui ont pris ces photos-là, est intéressant parce qu'évidemment, ils apprennent à la fois qui était leur père à la Libération, leur rôle héroïque, de photographe à ce moment-là, mais également peut-être qu'il était avant la Libération, donc c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. On est face à de la psychologie, à parfois des solutions. Enfin, on peut avoir des systèmes de déni. C'est très compliqué, effectivement, à exposer. Il faut être délicat. Je voudrais me servir de cette interview justement parce que j'ai lu quelque chose dans le catalogue que vous indiquez, Catherine Tambrin. Pierre Dort parlait d'un aumônier qui est en train de, sur cette photo, qui est en train de parler à un combattant mourant. Et justement, dans le catalogue, vous indiquez que les photos d'ecclésiastiques ont toutes été utilisées. Oui. Par Boucher dans l'exposition de 1944, alors que par ailleurs, il y a de grands absents. Les femmes, les étrangers n'apparaissaient pas dans l'exposition de 1944. Par contre, les religieux, oui. Oui, bah oui, voilà, on est des humains, donc on fait avec qui on est. Et donc, quand on expose, c'est une œuvre d'artiste, en fait. Oui. On va, c'est reconnu comme tel, d'ailleurs. On le sait avec les débats aujourd'hui autour du musée Picasso, d'Anne Baldassari, de qui doit ou pas être l'auteur d'une exposition. Donc, quand un homme qui est un résistant, qui est plutôt d'un réseau, je dirais catholique, militaire, fait une exposition, ben voilà, ça a des répercussions. Et donc, effectivement, quand on regarde, toutes les images d'ecclésiastiques avaient été sélectionnées pour l'Expo 40. Christine Lévis-Touzet, vous qui avez donc conçu cette exposition qui va ouvrir demain à l'Hôtel de Ville autour de cette libération de Paris, vous faites aussi avec ces mêmes sources photographiques ou d'autres, mais enfin avec des sources photographiques nombreuses. Comment, en tant qu'historienne, avec Dominique Veillon, vous travaillez sur ces photographies? Parce qu'on voit bien, on perçoit bien le travail de Catherine Tambrin et de défaire, de déconstruire, etc. Le travail de l'historien, c'est aussi cela. Mais en faisant une exposition, il faut à la fois déconstruire et donner à voir. Donc c'est assez complexe. Alors, on avait une approche avec le service des expositions d'Isabelle Cohen à l'Hôtel de Ville. Autre, si vous voulez, on avait un autre cahier des charges. C'était de raconter aux Parisiens, avec Dominique Veillon, ce qu'a été le quotidien et aussi faire le récit des événements pour que les visiteurs s'y retrouvent. C'est-à-dire qu'entre l'exposition au musée Carnavalet et à l'Hôtel de Ville, eh bien, ils puissent savoir et se faire une idée de ce qu'ont été les événements à partir du 6 juin 1944. Alors on a serré, si vous voulez, on fait une évocation, je dis évocation historique, au plus près de l'histoire, en utilisant un fond photographique que j'ai acheté pour les collections du musée il y a très longtemps, à un photographe dont on avait interviewé. Du musée général Leclerc. Oui, du musée du général Leclerc, la Libération de Paris, où nous avions acheté le fond photographique d'André Gander, photographe lui résistant dans la clandestinité, qui a eu les pellicules en volant, et qui a couvert l'événement, l'insurrection et la libération de Paris. Et puis on avait d'autres sources qu'on a voulu mettre en avant, puisque c'est les 20 ans du musée, hein. À l'Hôtel de Ville, c'est l'image audiovisuelle. Or, depuis 1995, nous avons acquis aux États-Unis des images d'archives américaines, puisque les Américains, dont dépendait la division Leclerc, ont largement filmé la libération de Paris. Donc on a aussi utilisé ces images-là comme les images du cinéma amateur de la Résistance, de ceux de la Résistance, etc. Mais tout de même, cette image photographique, on sait bien qu'il faut la lire comme une archive, etc. Mais ça n'est pas la même chose de la lire en tant qu'historienne ou historien tranquillement à son bureau pour préparer un livre et de l'exposer face à un public qui donc va devoir la contextualiser seul, souvent, même s'il y a des yeux de guide à Carnavalet, etc. Mais néanmoins, va devoir d'une certaine façon se débrouiller avec. Vous avez de l'expertise de l'historienne face à ces archives photographiques, savoir qui sont les photographes qui les ont prises, pourquoi elles sont parvenues jusqu'à nous, pourquoi d'autres ne sont pas parvenues jusqu'à nous, pourquoi elles ont été choisies pour être exposées ou mises dans un livre et d'autres fois pas, etc., etc. Christine Lévis-Touzet. Oui, c'est exact. Mais le mur d'images que vous découvrirez, puisque vous n'avez pas encore vu l'exposition de l'Hôtel de Ville, demain. C'est un mur d'images de 22,50 m, donc qui est très majestueux et qui donne pendant 20 minutes un récit qui est commenté avec des commentaires d'époque. et qui donne le récit des événements de la fin de l'insurrection, enfin disons à partir du 19-20 août jusqu'à la liesse le 26 août. Alors donc c'est intéressant et ont été utilisées des chutes de roches de l'INA qui n'avaient pas été montrées jusque-là et que a dévoilé Serge de Sampigny qui réalisait un documentaire. J'ajoute qu'il y a aussi un film amateur, c'est-à-dire qu'on a monté aussi alors des interviews. Et un film amateur qui nous a été donné par le petit-fils de Charles Dudouis en 2011 et qui montre, tourné derrière sa vitre de son appartement boulevard Raspail, eh bien boulevard Raspail, août 44, les débuts de l'insurrection jusqu'au 26 août, face à la prison du Cherche-Midi, c'est évidemment très impressionnant. Anaïs Kien. Oui, Catherine Tambrin, vous montrez d'ailleurs comment on a manipulé une image par le cadre, tout simplement, notamment au moment de la reddition. Une image très célèbre de von Scholtitz qu'on voit signer de manière un petit peu besogneuse et pas très heureuse, évidemment, quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et dans l'exposition, vous montrez à quel point le cadre sélectionne l'histoire, finalement. Voilà, on a fait tout un travail pour voir ce qui était coupé, taillé, retiré, non montré. Donc, soit on déconstruit effectivement les images en montrant le plein cadre, c'est-à-dire la photo telle qu'elle est. Soit aussi on va chercher dans les films les mêmes points de vue exactement. Donc vous avez à côté dans toute la salle des petits films qui montrent exactement les mêmes points de vue de ce qu'on voit dans les images non animées. Et ça c'est intéressant parce qu'évidemment on voit des choses en plus. Nous, dans nos images, vous parliez tout à l'heure, on ne voit pas du tout les femmes, par exemple. Alors que dans les images filmées, on les voit, ces femmes. Il y a vraiment quand même une volonté du photographe d'arrêter certains endroits, de montrer certaines choses et d'en cacher d'autres. Et d'héroïser certains personnages. Vous montrez aussi très bien comment cette exposition de 1944 met en scène des figures qu'on retrouve partout ailleurs, dans d'autres films ou dans d'autres séquences photographiques. Des figures qui, parce qu'ils sont beaux, grands, blessés, etc., vont devenir des figures de la mémoire, des icônes. Des icônes. C'est complètement héroïques. Des icônes. Ouais. Ouais. Complètement des icônes. On construit vraiment. L'équivalent un peu du brigadiste, enfin du révolutionnaire espagnol de Capa, mort donc au champ d'honneur, qu'on connaît partout maintenant aujourd'hui, par exemple. On en a un d'ailleurs. Ouais. On a un FFI qui est en train de tomber sous les balles. C'est complètement ça. C'est-à-dire, c'est une fabrication et c'est incroyable. C'est-à-dire, que ça occulte plein d'autres aspects, évidemment. Enfin, je veux dire, c'est une forme de propagande en but de montrer quand même une libération du peuple de Paris qui se libère par lui-même et qui met évidemment un peu de côté la part des alliés. Enfin, il y a très peu d'images d'Américains dans notre expo de 44. Alors justement, ce qui nous a tenu à cœur dans l'exposition avec Dominique, c'est de montrer ces sources américaines où on voit bien présent. Et à la gare Montparnasse, par exemple, Leclerc, qui est sur cette table en train de montrer le plan des opérations et le plan des opérations à Paris, à son supérieur hiérarchique américain, le général Giraud, commandant le 5e corps d'armée américain. Et là, à travers les images et autres, on voit aussi, je parlais tout à l'heure des plans larges, on voit bien les Américains, des images en couleur d'époque, pas colorisées depuis. Et puis d'autres images, où je parlais des chutes de Roche de l'INA du journal de la Résistance, tourné par le cinéma amateur de la Résistance, où on voit des plans larges et où on voit les femmes. Et Marie-Hélène Faucheux, on ne la voit pas sur beaucoup d'images, mais on la voit à l'hôtel de ville le 25 août au soir, comme on découvre aussi... Une des rares aussi femmes, justement, de ce comité, parisien de la Libération. Alors, on explique aussi par la presse, par les tracts. Et on voit également le colonel Roltanqui qui est là. Et jusque-là, les plans étaient serrés. Donc là, Catherine parlait du phénomène de cadrage pour les photos. Là, il y a aussi des sélections faites et des montages rapides de films. Donc quand on va à la source, on trouve et on trouve des choses intéressantes. Thank you. Pas le général Leclerc, les troupes du général Leclerc, dans cette archive donc de 1944, elle aussi, d'une certaine façon, sûrement mise en scène, Anaïs Kien, on peut l'imaginer en tous les cas. Oui, ce sont des FFI, en tout cas dans les archives de l'UNA, c'est ce qu'on nous dit, ce sont des FFI dans une cour parisienne qui se retrouvent et qui célèbrent cette libération, visiblement en négociant quelles sont les figures qu'ils vont célébrer ce jour-là. De Gaulle ou... Et où le général Leclerc et ses troupes. Mais Catherine Tambrin, vous avez ça en photo, d'une certaine façon. Oui. De toute façon, notre exposition commence par De Gaulle, se termine par De Gaulle, et montrait à un moment donné une photographie où on voit De Gaulle discuter avec Leclerc à égalité. Enfin, il y a vraiment, devant Notre-Dame, on les voit tous les sauf deux. Sauf égalité de taille, parce que l'un était plus grand que l'autre. Si ça oui, ça se voit sur la photo. 1m90 contre 1m74. La photo montre quand même une forme d'égalité. Si j'ose dire, il y a le feu devant Notre-Dame. Il y a le feu parce que les tireurs, les fameux tirs, il y a quand même 100, plus d'une centaine d'admissions à l'Hôtel Dieu, donc ça n'est pas rien. Et là, je veux dire que c'est au chef militaire, parce qu'il y a un dispositif militaire pris. Anaïs Kien. Vous disiez, Catherine Tambrin, qu'il y a une forme d'égalité. Est-ce que les absents de cette exposition de 1944, les femmes, les étrangers, les étrangers et les personnes de couleur, n'apparaissaient pas dans l'exposition de 1944, mais est-ce qu'on les retrouve malgré tout dans les fonds qui n'ont pas été utilisés? Pas du tout. Ils n'ont carrément pas été photographiés. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je n'ai pas pu montrer tellement plus de femmes que ce que j'avais. J'en ai sorti 2-3 en plus. Une infirmière. Oui. On les montre sous évidemment des formats classiques, c'est-à-dire la femme soignante, la femme pittoresque, la femme tondue, qui ne fait pas partie des expositions de l'Expo de 44. C'est assez étonnant quand on regarde un tout petit peu la représentation de la femme et même la façon dont ces images vont être utilisées, puisqu'on a fait tout un travail de traçage, pourrait-on dire. Voilà, pour être utilisé par la presse, c'est-à-dire on a été voir dans les journaux ce qui sortait, ce qui sortait pas, et dans les publications de 44 et 45, ce qui sort, ce qui est retenu, ce qui est pas retenu. Christine Lévis-Touzet. J'allais dire que dans la presse, ce tableau est plus en nuance, parce qu'on a utilisé largement le passage de la presse clandestine, des petits formats, les tracts, etc., à la naissance de l'agence France-Presse, hein, qui est un partenaire de l'exposition important par la fourniture de photos, et puis les journaux de la Résistance qui paraissent au grand jour. Alors Catherine a raison, on ne voit pas de femmes en gros plan. Mais à regarder bien tous les articles, il y a des articles sur les femmes. Mmh. Et les femmes ne sont pas majoritaires dans la société. Il y a des femmes dans la division Leclerc, il y en a une petite quarantaine au sein de la division Leclerc et confinée dans le rôle du bataillon médical. Mmh. Comme dans l'insurrection à la libération de Paris, la seule femme au poste clé, c'est Marie-Hélène de Faucheux au sein du comité parisien de la libération. Alors on l'a aux photos lorsque le bureau se réunit. Tout un groupe d'hommes photos. Et une seule femme, effectivement. Ah oui, mais c'est le reflet de la société de l'époque. On a plus de femmes sur les images du défilé. Les photos de Liesse aussi. Mais on a quelques rares photos de femmes en armes, mais c'est l'exception. Catherine Tambrin, vous semblez... Oui, je suis pas tout à fait d'accord, parce que nous, on s'est vraiment plongé dans le contenu. Et quand il est dit que ces femmes sortent avec des armes, on les traite un peu d'hystériques dans les journaux. Il y a quand même la boulangère de la rue de la Huchette. Voilà, celle-là, c'est la seule qui est vraiment... La boulangère de la rue de la Huchette. Alors celle-là, elle y est. C'est la petite barricade photographiée énormément de fois, parce qu'extrêmement pittoresque. Elle a cette petite boulangère avec son casque allemand et ses grenades dans la poche. Il y a tous les photographes qui sont passés par là. C'est-à-dire, c'est barricade absolument pas importante. Mais c'est vraiment... la femme autorisée. Oui, c'est ça. Oui. Parce qu'elle a une petite robe quand même à fleurs et que ça, ça c'est assez joli. On sent qu'elle est déguisée. Elle a le casque et la robe à fleurs. Et c'est d'ailleurs sur cette barricade qu'on trouvera, nous, notre affiche, puisqu'on prendra une espèce de personnage qui ressemble à un cow-boy, comme ça, mis sur un avec tas son de sable. À la main. Ouais, sur les sacs de sable. Donc, ce qui autorise cette image, c'est son aspect peut-être un peu grotesque. Peut-être, un peu pittoresque. Je dirais qu'il y a quelque chose d'un peu pittoresque et qui fait qu'elle va être choisie. Mais sur la totalité même des images de cette barricade, il y a 4-5 images qui la représentent. Le reste, c'est les autres, c'est les garçons. C'est pas... Et pourtant, il y avait des femmes dans la guerre, et en particulier dans cette libération de Paris. Vous en avez rencontré une, Anaïs Kern. Oui, Geneviève Denis, qui visitait également l'exposition le jour où j'y suis allée. Catherine Tambrin, Geneviève Denis, qui était étudiante en 1944 à Paris, au quartier latin, étudiante en commerce et en droit. J'étais comme beaucoup de gens, j'avais un tout petit carré de vision. Je ne voyais pas tout Paris, je voyais mon quartier. Les chars qui étaient devant le Luxembourg et qui pouvaient tirer sur toutes les rues adjacentes, le boulevard Saint-Michel, la rue Gilles-Prince, toutes ces rues-là. Et au jour le jour, on vivait comme on pouvait parce qu'il n'y avait ni électricité, ni nourriture, ni magasin. C'était comme ça. Et à propos des chars qui sont entrés dans Paris, ça a couru comme un bruit, comme une marée, vers la rue Gay-Lussac où j'habitais. Tout d'un coup, on a entendu dire « Les chars français sont rue Bulle. » En fait, ils étaient rue Saint-Jacques. Et on a pris nos jambes à notre cou, on est allé voir, on n'a rien vu, ils étaient déjà passés, mais tout le monde est rentré, il commençait un peu à pleuvoir, tout le monde est rentré de là où j'habitais, dans la passerelle Écolard, et il y a des gens qui ont commencé à chanter la Marseillaise. Alors là, ça mettait les larmes aux yeux, parce qu'on n'avait pas entendu le Marseillais depuis 5 ans. Geneviève Denis, modeste résistante, avec cette modestie que l'on connaît chez beaucoup de ces femmes qui ont participé à la résistance, qui dit « je n'ai fait que ceci, je n'ai fait que cela », mais qui dit qu'il y a même quelque chose de très très important, on ne voyait pas tout. C'est une des grandes particularités de cette libération de Paris. Qu'est-ce que c'est qu'une ville en guerre? Qu'est-ce que c'est qu'une ville qui se libère? C'est de ne voir que souvent... que depuis sa fenêtre, Christine Lévis-Touzé, ce qui se passe dans la rue d'en bas, mais de ne pas avoir envie ou la possibilité de sortir au risque de se faire tirer dessus. Donc, on ne sait pas ce qui se passe ailleurs, au bout du compte. Alors, il y a plusieurs choses, et c'est intéressant cette question pour une raison simple, c'est que parmi les combattants, et en ce mois d'août 1944, qui est quand même un mois d'août comme tous les étés, même en guerre, et que après le débarquement et dans la perspective de l'insurrection et lors des combats, beaucoup, il y a des témoignages nombreux dans les journaux, mais de pères de famille et filles qui ont mis leurs femmes et leurs enfants à l'abri à la campagne, dans la perspective du combat. Alors ça, c'est une chose. Par ailleurs, il y a aussi, si vous voulez, ce mélange, et on le voit par les pertes civiles avec ces Parisiens très imprudents, hein, parce que quelques 600 tués, ça n'est pas rien. Mais au-delà de ça, il y a tout ce qui se passe à l'intérieur, dans le dedans. Ah oui. Alors, il y a le PC de Rol-Tanguy, ou le PC de Rol-Tanguy à l'état-major de Rol-Tanguy, sous la place d'Enfer-Rochereau. Il y a quand même, à ma connaissance, 6 femmes, dont Lucie, pseudonyme de Cécile Rol-Tanguy, agent de liaison de son mari. Et là, il y a tout un travail qui se fait dans l'ombre. Et qui ne va apparaître que le 25 août au soir, lorsqu'elles peuvent sortir de cet abri. Oui, sur cette question de la parcellisation du regard, pourrait-on dire, Catherine Tambrin, on voit bien ça dans l'exposition de 44 et dans celle que vous faites aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, à part quelques cyclistes un peu intrépides, comme Cartier-Bresson ou d'autres, qui vont d'un lieu à l'autre et qui... Ou Jules Dort, avec leur vélo, qui vont d'un lieu à l'autre. Ou même la plupart du temps, on reste dans un coin et on photographie ce qu'on a sous les yeux, plus ou moins. Oui, les photographes, d'ailleurs, en général, je mets leur adresse, ça c'est dans le catalogue de l'exposition, hein. On indique l'endroit où ils habitent et on voit très bien que c'est l'endroit où ils ont photographié. Ils restent à proximité des lieux où il se passe quelque chose, c'est-à-dire cette barricade de la rue de la Huchette, elle est très pratique. Elle est entre le Sénat, l'hôtel de ville et la préfecture de police. C'est là où il se passe des choses. Donc, ils ne sont pas fous. Les photographes, ils sont là parce qu'il y a effectivement beaucoup d'activité. Voilà, ouais. Ils repèrent. Donc, certes, comme les c'est pas sans danger non plus. Et comme les photographes d'aujourd'hui, ils sont tous ensemble. C'est-à-dire qu'ils vont souvent faire les mêmes images, les mêmes points de vue. Anaïs Kier. Oui, vous parliez de parcellisation du regard. Emmanuel Laurentin, Catherine Tambin, vous avez travaillé avec l'Institut historique allemand pour cette exposition. Et ça, c'est, on n'aborde jamais effectivement cet aspect-là des choses. C'est-à-dire comment la libération de Paris a été vécue par les Allemands eux-mêmes qui étaient là à ce moment-là. Oui, c'était très intéressant. Là, on a travaillé avec eux. On a travaillé aussi avec le musée de la Résistance nationale de Champigny et Christine, évidemment. C'était très intéressant parce que du coup, on a pu refaire dans le catalogue, avec un catalogue où on essayait vraiment de mettre du contenu. On a, en français, en anglais, en allemand. En français, en anglais, en allemand. Et l'exposition est en français, en américain, en allemand même. On a essayé justement de pouvoir reprendre toutes les chronologies qui avaient été faites, les regarder et voir comment ça s'était construit. C'est-à-dire, moi, l'idée, c'était de dire, certes, on fait une exposition sur la libération, mais ce qui est important, c'est de montrer de quoi on se libère. Et de voir comment tout ça s'est mis en place. C'est-à-dire l'idée quand même que l'historien est là pour éclairer et montrer comment les politiques aussi d'exclusion se mettent en place en Allemagne et comment la France va copier ces politiques d'exclusion. Donc c'est le catalogue est un peu plus volumineux, je dirais. Il déborde par rapport au projet, mais il permet de comprendre. Je sais pas, en abolissant une loi, par exemple, qui réprime les propos racistes, on va pouvoir se permettre de laisser une libre parole raciste se développer, par exemple. Christine Lévis-Touzé, justement, ces Allemands, on en parle rarement, de ces Allemands qui tiennent Paris à ce moment-là. On parle de von Scholtz, parce qu'évidemment, il a ce rôle-là, mais ces troupes qui sont là, dans Paris, à ce moment-là, en août 44, qui sont-elles, d'où viennent-elles, et surtout, que représentent-elles encore au sein du Reich, ces troupes parisiennes? Alors, rarement, non. Parce que, d'abord, il y a les photographies, et deux, j'allais dire que les collections du musée montrent le contraire, et ça fait bien longtemps peut-être qu'on les a. Peut-être qu'on entend rarement parler, mais on a peut-être du mal à l'entendre, alors non. Je vais modifier mes propos. Je ne suis pas d'accord, et je parle comme historienne. Sur le plan historique, les travaux ont apporté ces dernières années, et si on n'en parle pas, alors ça, c'est un autre débat. C'est un autre médiatique, vous voulez dire. C'est un autre débat. Mais le travail est fait avec l'Institut historique allemand, et notamment Stéphane Martens, là-dessus. Nous avons le fond photographique où on voit bien, si vous voulez, à travers les images, les films, tout compte, les films, les photos, eh bien, ces mouvements dans Paris, ces mouvements allemands, de convois qui se replient de Normandie, et ils sont très identifiables, y compris par le grand public, avec les feuillages camouflés, etc. Ou même par le film amateur qui rentrait récemment, dont je parlais tout à l'heure, où l'on voit et décrypté, et on l'a décrypté avec Stéphane Martens, directeur adjoint de l'Institut historique allemand, où on découvre là combien ça fait peur, parce que les Parisiens ne comprennent pas ce qui se passe. Ils voient des convois qui se replient, qui traversent Paris. Il y a d'autres... Ils traversent, mais ils ne s'arrêtent pas. Ben, quelquefois, il y a une pause momentanée, ouais, comme renfort. Et c'est là où on voit les fameux chars tigres, donc qu'on a pu identifier boulevard Raspail, mais qui ne restent que momentanément, mais qui font extrêmement peur à la population. Il y a aussi des mouvements de troupes menaçants, etc. Bref, donc on découvre beaucoup par ces images. Au-delà de ça, les troupes allemandes du Grand Paris, c'est quelques 20 000 hommes, dont beaucoup d'administratifs. Et dont on voit aussi, il y a des départs de différents services de Paris, et d'une situation complexe, à la fois de désorganisation des forces allemandes depuis la rupture de la poche de Falaise à la mi-août, et en même temps, observer les ordres du Führer de tenir Paris. Ah oui. Alors, ça, la double contrainte. Tout compte, et les archives de la préfecture de police qui renseignent sur le nombre de lieux piégés et minés. Et on montre dans l'exposition justement les moulins de Pantin incendiés le 19 août pour affamer Paris. Les archives des sapeurs-pompiers ont parlé avec les photos également. Donc il y a cela également. Et on est quand même très loin de la légende répandue par une pièce et un film récent, etc., qui vont faire simplement d'une confrontation entre deux hommes, Nordling et von Scholtitz, le sort, vont faire tenir le sort de Paris dans la main de simplement deux hommes, alors qu'effectivement, il y a beaucoup plus d'acteurs en présence, en l'occurrence. C'est une fiction. Oui. c'est une fiction. Et en même temps, les peurs sont là et importantes, parce que les risques encourus et le nombre d'émissaires entre les FFI, la préfecture de police, policiers FFI et les troupes régulières ouvertes les Américains sont quand même importantes. Et les communications téléphoniques, y compris entre le préfet de police Charles Luizet et Leclerc, qui se connaissent, ils sont français libres, sont très intéressantes, ainsi que Chaban-Delmas. Les peurs sont extrêmes. Alors, si vous voulez, on a tendance à réduire cela parce que c'est une libération réussie. Oui, sans trop de morts. Sans trop de dégâts, et Paris est sauvé, pas détruit, avec une précaution prise par les troupes de Leclerc comme par les troupes américaines, de protéger Paris, les immeubles et les habitants. Alors, mais en même temps, les peurs sont là et il y a des risques insensés. L'histoire de ce Piper Cub qui lâche le tract au sud de l'île de la Cité n'est pas rien. Et d'autres éléments. On a découvert là cette année, par exemple, que Leclerc, à Montparnasse, à Von Schultitz, et il le menace pour qu'il libère les stocks de ravitaillement parce que Paris est au bord de la disette et il faut faire la soudure avec l'alimentation alliée, l'arrivée du ravitaillement allié. Pierre Koenig, nouveau gouverneur militaire de Paris à la Libération. Le gouvernement de la République m'a appelé à l'honneur d'exercer la charge de gouverneur militaire de Paris et de commandant de la région de Paris. Je salue Paris, hier martyr, aujourd'hui libérée, mais toujours vaillante et fière. Je prends sous mon commandement toutes les forces armées de la capitale et de sa région, en particulier les magnifiques forces de l'intérieur. C'est à moi-même et au chef désigné qu'il appartient de leur donner des ordres. Ils auront à cœur, j'en suis convaincu, de montrer leur discipline après avoir si bien démontré leur valeur. L'ennemi est chassé de Paris, mais la bataille en est encore toute proche. D'impérieux devoirs d'ordre public et de travail s'imposent à tous les citoyens. Je ne peux douter que la population de la capitale et de la région parisienne saura remplir les uns et les autres pour le bien commun avec noblesse et résolution. Pierre Koenig, le nouveau gouverneur militaire de Paris à la Libération. Alors Catherine Tambrin, on les voit ces Allemands dans vos archives et dans cette exposition de 1944, pas simplement les Allemands de l'occupation dont on se libère, mais également les Allemands de la Libération, ceux qui sont prisonniers. Absolument, on voit des colonnes incroyables. Enfin, je veux dire, c'est quand même des plus de 15 000 hommes qui vont être prisonniers. C'est des colonnes qui sont photographiées souvent par les photographes. Par exemple, Jean Sébergé, va faire 22 photos d'une seule colonne qui va partir de Rivoli, la rue de Rivoli, pour arriver à la préfecture de police. On les voit aussi dans les films. On a retrouvé parfois les mêmes images, les mêmes personnages filmés. On montre parfois la peur dans leurs yeux quand ils sont pris par des francs-tireurs. Est-ce qu'on voit des coups? On voit des coups, oui. On voit des coups. Bien sûr. On voit des coups surtout sur les simples soldats. Hein. Les officiers sont bien encadrés quand même. C'est une répartition quand même en fonction de la valeur de la personne, telle qu'elle est jugée à l'époque. Donc, il y a une image, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est que dans l'exposition de 1944, il y avait trois panneaux sur les victimes. Évidemment, les victimes, c'était uniquement les victimes de ces journées-là. On ne parlait pas des autres victimes, hein, des juifs, tout ça, non, des tziganes et autres. Non, on ne parlait pas de tout ça. On parlait juste des victimes de ces journées. Et dans ces trois panneaux, il y a une photo qui montre des tombes de soldats allemands qui se trouvent place de la République. Tombe vraiment avec une forme de croix très particulière. Et le fait que François Boucher les mette, ces tombes, dans le panneau des victimes n'est pas neutre. Enfin, là, pour le coup, moi, je vois quelque chose qui dit oui, les Allemands aussi étaient des victimes de cette guerre. Vous pensez que c'est ce qu'il a voulu? Ah, bah, clairement. Oui. Sinon, il l'aurait mis ailleurs, dans un autre panneau. Oui, il ne l'aurait pas mis du tout. Oui, sûrement. Et puis, c'est une signification historique que les FFI ont leur part dans les combats avant j'allais dire l'arrivée des troupes de la division Leclerc et des troupes de la 4e division américaine, puisque cette photo, si j'ai bonne mémoire, elle doit dater d'avant. En tous les cas, elle date. Elle est antérieure, elle est avant le 25 août. Donc, elle a une force. Et ces trois croix, elle a été aussi photographiée par des amateurs, hein, des FEFI, parce qu'il y a les fonds de photographes officiels, mais aussi ces fonds privés qui sont beaucoup rentrés au musée. Et elle va être publiée. Elle va être publiée en 1944. Mmh. Donc une image qui, finalement, est aussi une image importante. J'ajoute, parmi les fonds que vous découvrirez dans le beau livre, la collective que nous avons fait, des fonds photographiques où on voit les prisonniers allemands au centre d'instruction régimentaire des sapeurs-pompiers à la caserne du Plex. Et c'est impressionnant, l'organisation de ces prisonniers allemands, etc., sous bonne garde en armes des sapeurs-pompiers. Alors, Catherine Tambrin, on a bien compris que l'exposition, on parle de l'exposition à la fois de l'Hôtel de Ville qui ouvre demain, donc celle dont Christine Lévis-Touzé est la co-commissaire, et de la vôtre à Carnavalet. On a bien compris que l'exposition de Carnavalet était quand même une sorte de tour de force muséographique, parce qu'il fallait à la fois raconter ce qui s'était passé en 1944, ce qu'était cette exposition de 1944, les événements qui s'étaient déroulés pendant la libération de Paris, mais également avoir un regard critique par rapport à ça. Vous n'êtes pas perdu à certains moments ? Oh non, pas du tout. Non, c'est une exposition à tiroir. C'est une exposition aussi où on pose des questions. Enfin, les murs sont remplis parfois de citations d'Arlette Farge, Foucault, etc. Mais c'est pas du tout Michel Perrault, etc. L'idée, c'était de pouvoir rentrer dans cette exposition par là où on veut. Si on ne veut pas prendre en compte l'expo de 1944, il suffit d'oublier les petits macarons qui disent photo exposée en 1944. Ah oui, on peut la lire à deux niveaux. Absolument, on peut laisser de côté l'expo de 1944 et se dire, voilà, une exposition sur les photographies de la Libération, point barre. Voilà, on peut traverser cette exposition très simplement, enfin, je veux dire, en disant c'est une exposition sur la Libération. Mais si on s'intéresse à la façon dont ces images sont construites, alors on lit les textes et on regarde comment ces images sont sectionnées. Et puis, on a aussi un artiste contemporain et Axel Kahn qui interviennent dans l'exposition. Christine Lévis-Touzé, votre exposition qui ouvre demain, donc, dont vous êtes la co-commissaire avec Dominique Veillon, elle a pour mission, une mission pédagogique, pourrait-on dire, de faire comprendre ce qu'a été l'insurrection et la libération de Paris en faisant plus court, c'est-à-dire en partant depuis le printemps 1944 jusqu'à la fin de la guerre quand même, à la fin et au-delà, si vous voulez, les premiers hommages, les hommages spontanés des Parisiens. On est assez frappé de voir que durant les combats même, et les Parisiens ont déposé des bouquets, des gerbes là où les FFI sont tombés, où il y a eu des combats. Et puis, j'allais dire l'objet phare, alors la fois c'est la presse, hein, par la presse clandestine, naissance de l'agence France-Presse qui alimente la presse résistante, toute tendance politique qui paraît au grand jour, et puis ce grand mur d'images qui montre, si vous voulez, à travers d'images d'archives audiovisuelles jusque-là peu exploitées, eh bien cette histoire-là. Merci Christine Lévis-Touzé, merci à vous Catherine Tambrin. On a bien compris que ces deux expositions, il fallait les voir ensemble, ainsi que les deux catalogues de ces deux expositions. Libéré Paris, paru aux éditions Ouest France, donc sous votre direction Christine Lévis-Touzé, pour l'exposition de l'Hôtel de Ville. Avec Dominique Veillon, Thomas Fontaine, Vincent Giraudier, Vladimir Troupier, Vous avez raison, effectivement. Et Paris libéré, photographié, exposé, donc en trois langues, en anglais et en allemand également, aux collections Paris Musée, donc, et du musée Carnavalet, c'est pour vous, Catherine Tambrin. Merci, ces expositions durent jusqu'à quand pour la vôtre ? 8 février. 8 février et pour la vôtre ? 29 septembre. Bon, on a largement le temps donc de pouvoir profiter de ces deux expositions. Merci Anaïs Quien et donc à la semaine prochaine pour une série d'émissions, elle qui sera consacrée à la Première Guerre mondiale. Absolument, une série de documentaires de quasiment toute l'équipe de la Fabrique de l'Histoire est partie aux quatre coins du monde pour raconter la Première Guerre mondiale en dehors de cet hexagone qui est le nôtre. Thank you.